بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Donc الحمد لله، on poursuit l'explication de Umdat al-Fiqh, donc de Kitab al-Zakah qu'on a commencé la semaine dernière. On va réviser rapidement les notions qu'on avait vues lors du dernier cours. Donc qui peut nous donner certaines définitions de la Zakah dans la langue arabe ? À quoi est-ce que ça correspond le mot Zakah ? Dans la langue arabe, on avait donné trois sens. Zaka, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le verset, Qad aflaha man zakaha, a certes réussi celui qui l'a. Donc, c'est un sens, la purification. At-tahara, voilà, la purification. Un autre sens, Zaka zar'u, la végétation, le grain, la croissance du grain, la croissance de la végétation. Donc, il y a la croissance, un numu, on dit en arabe. Troisième sens, falatu zakku anfusakum. Ne faites pas l'éloge de vos propres personnes. Après, on avait donné le sens législatif, on avait donné son statut. Quel est le statut de la zakat ? C'est recommandé ? C'est wajib. Voilà, c'est une obligation et c'est même un pilier. Donc le pilier, c'est un des degrés du. C'est le plus haut degré du wajib, de l'obligatoire. D'accord. Dans quelle catégorie de biens y a-t-il Zakat, on avait donné quatre catégories. Quelles sont-elles? La première catégorie qu'on avait donnée, celle qu'on va développer aujourd'hui, les bestiaux. Deuxième catégorie, Al-Kharij min al-Ard, ce qui sort de la terre. Troisième catégorie, Al-Athman, la monnaie. Quatrième, Urud al-Tijara. Urud al-Tijara, c'est quoi? Les marchandises. Il y avait des conditions dans celui qui doit donner la zakat. Quelles sont les conditions? La première, qu'il soit musulman. Pas majeur. On avait dit qu'il y a zakat dans l'argent de l'enfant, celui qui n'est pas pubère, ainsi que du fou. Donc celui qui met de l'argent de côté pour un de ses enfants, qui le donne à son enfant, et qui le met de côté, il y a zakat, si jamais il répond aux conditions de cité. Donc il faut qu'il soit musulman libre. Musulman libre. Après, dans le bien, il faut, avant le seuil, on avait parlé, il faut qu'il le possède de manière totale. Donc on n'entre pas, par exemple, la dette qu'a quelqu'un envers nous, et on sait que c'est quelqu'un qui, ce qu'on appelle un mumatil, qui ne peut pas nous rendre cet argent, ou ne veut pas nous rendre cet argent-là. Il y a d'autres encore illustrations, comme par exemple le loyer accéléré pour un propriétaire qui prend un loyer en avance. Il prend par exemple le loyer en début de mois, où on lui paye un an de loyer. Le locataire lui dit, tiens, prends un an de loyer, mais si jamais je pars avant, tu me rembourses. Ça, est-ce que c'est un argent que tu possèdes totalement? Non. Tu le possèdes, tu l'as dans les mains. Est-ce que c'est l'argent de l'autre? C'est pas son argent. Maintenant, il te l'a donné. Mais il y a une condition. Donc, si jamais il s'en va, tu devras lui rendre les mois qu'il t'avait donné en trop. Ça, c'est de l'argent que tu possèdes, mais pas de manière totale. Donc, il n'y a pas encore zakat dessus. Donc, il faut posséder l'argent de manière totale. Il faut qu'il atteigne le seuil. Et que, quelle période se soit écoulée sur cet argent ? Un an lunaire. Après, on avait parlé des zones intermédiaires, ce qu'on appelle al-waqs ou bien al-waqas. Je pense qu'al-waqas, c'est plus juste. Ces zones intermédiaires qu'il y a notamment dans les bestiaux, est-ce qu'il y a une zakat proportionnellement à ce qui dépasse le seuil? Le début de la zakat du chameau, c'est 5. Premier seuil, 1 mouton. Deuxième seuil, 10 chameaux, 2 moutons. Est-ce que pour 6 chameau, il y a un autre seuil que 5? 6, 7, 8, 9, c'est toujours un mouton, comme pour 5 chameaux. Arrivé à 10 chameaux, on passe à 2 moutons. Donc il n'y a pas de zakat dans ces zones intermédiaires. Et il y avait deux exceptions au fait que le bien, qu'un an doit s'écouler sur le bien. Il y avait deux exceptions. El-Nitej, les naissances provenant des bestiaux. Donc si jamais il y a des naissances, elles suivent donc le seuil, donc qui est l'origine de ces naissances-là. Donc si jamais quelqu'un a 10 chameaux, donc, on va dire 5 chameaux à un certain moment, donc il démarre son compteur d'un an, 5 mois, 6 mois, 7 mois, au bout du 9e mois, il a 10 naissances. Bref, il arrive à 15 chameaux, il doit donner 3 moutons. Il ne dit pas ces 10 chameaux qu'il y a en plus des 5, il n'y a pas un an qui a tourné dessus. De même pour les marchandises, donc les bénéfices de marchandises. Mais c'est pour ce qui provient de ça. Si jamais quelqu'un te donne des chameaux, tu as 5 chameaux, un mois avant les 1 an de ces 5 chameaux-là, il te donne 20 chameaux. Ces 20 chameaux-là, ils ne rentrent pas dans les 1 an des 5 premiers, parce qu'ils ne proviennent pas de ces chameaux-là. De même pour la marchandise. Tu commences à faire ton commerce avec 200 euros, dès que tu arrives au seuil, on va dire qu'il est à 350 euros, tu commences à compter un an. Au bout d'un an, tu es à 5000 euros, tu sors une zakat de manière obligatoire des 5000 euros parce qu'ils proviennent des 350 euros du seuil. Mais si quelqu'un te donne de l'argent, tu hérites par exemple d'un proche qui est mort, tu hérites un mois avant que ne s'écoule, donc les un an de ton seuil de marchandise, l'argent qui est arrivé par héritage, il ne rentre pas là-dedans parce qu'il ne provient pas de ça. Donc on commence, Inch'Allah, ce chapitre aujourd'hui. Il dit, rahmatullah alayh, bab zakat is-sa'ima. Donc la porte, le bab, on avait vu sa définition dans les cours précédents. Zakat is-sa'ima. Donc as-sa'ima, il va en donner la définition. Ce chapitre-là, donc il concerne la zakat des bestiaux. Il dit, wahiya ra'iya. Et donc c'est celle qui paie. C'est celle qui est en pâturage. Donc du verbe paître. C'est celle qui paie. Donc, ça c'est une première condition concernant les bestiaux pour lesquels il devrait y avoir zakat, c'est qu'ils doivent être en situation de pâturage. Donc on va sortir ce qu'on appelle al-ma'loufa, celle qui mange dans son étable, celle pour laquelle on achète de la nourriture, du grain, ou bien on achète de l'herbe, ou on achète du foin, ou on achète autre chose, et à laquelle on donne à manger, donc en dépensant. Ça, c'est une bête pour laquelle on ne va pas donc donner la zakat si jamais cette forme de nourriture donc pour laquelle on dépense, elle est majoritaire dans l'année ou bien qu'elle prend la moitié de l'année. Donc il faut qu'elle soit en situation de pâturage, il faut qu'elle soit en situation de pâturage plus que 6 mois lunaires. Donc si jamais ces 6 mois Ma'louf, à 6 mois j'achète à manger et 6 mois elle est en situation de pâturage, il n'y a pas zakat. Parce que là-bas, c'est qu'il n'y a pas zakat dans la bête jusqu'à ce qu'elle change de statut. Et tant qu'on est à égalité entre le pâturage et le fait de la nourriture, et le fait de lui acheter sa nourriture, elle garde son statut d'origine qui est de ne pas sortir la zakat. Donc première condition, c'est compris ? Il faut qu'elle soit en situation de pâturage. Il faut qu'elle soit en situation de pâturage plus de la moitié de l'année. Hein, plus de la moitié de l'année, plus de 6 mois. Donc ça, c'est une première condition. Et dans ce qu'elle mange, lorsqu'elle est en situation de pâturage, il ne faut pas que ce soit quelque chose de planté. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de planté par le propriétaire ou par un autre. Hein, il faut que ce soit al-ushb, c'est-à-dire la végétation qui pousse entre guillemets naturellement, même si tout pousse de... provient d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'origine, mais il ne faut pas qu'il y ait une cause humaine à la base. Donc c'est l'herbe qui pousse dans les plaines, les prairies, les clairières, sur les monts, les montagnes, etc. Mais ce n'est pas donc un champ dans lequel l'être humain a planté. Donc d'où on le tire ça? On le tire des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Car il a conditionné donc que la bête soit sa'ima. Donc dans le livre d'Abu Bakr radiyallahu anhu, on avait dit, il est dans le Bukhari, c'est un long hadith qu'il a écrit à Anas radiyallahu anhu, qui se trouvait donc au Bahreïn pour lui montrer comment prendre la zakat. Et ce livre-là, Abu Bakr l'a envoyé, c'est un livre dans lequel il a, quand on dit livre, c'est-à-dire c'est un message dans lequel il rapporte les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, wa fi sadaqatil ghanami fi sa'imatiha. Et dans la zakat, donc dans la sadaqa, dans le sens zakat, des ovins, Fisa'imatiha. Donc dans celles qui sont en pâturage, et non pas celles qui ne sont pas en pâturage. Aussi dans le hadith de Ba'z ibn Hakim, an abihi an jaddihi, selon son père, selon son grand-père, ça c'est une chaîne de transmission qui est classique, Ba'z ibn Hakim, selon son père, selon son grand-père. Qala sami'tu nabi Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, fi kulli ibilin sa'imatin fi kulli arba'in abnatu labun. Dans chaque chameau sa'ima. Donc aussi là le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc dans tout chameau sa'ima. Donc il y a un pâturage. Et ce hadith il est rapporté par Ahmed et An-Nasa'i et Abu Daoud. Le cheikh Al-Albani l'a jugé de bon. Donc cette caractéristique, ce critère-là de Sa'ima, qu'elle doit être en pâturage, donc la majorité de l'année, on le tire de ces hadiths-là. Et dans la langue arabe, Sa'ima, c'est ce qu'on a dit. Donc c'est ce qui n'est pas ma'louf, c'est ce qui n'est pas nourri dans les tables ou autres, bergerie, etc. Mais c'est ce qui est donc en train de paître dans la nature, la majorité de l'année. Sur les six mois, il y a divergence. Mais nous, on prend l'avis selon lequel, lorsqu'il y a nourriture donc dans les tables, la bergerie, etc., et qu'il y a pâturage 6 mois, il n'y a pas zakat. C'est à partir de 6 mois et ne serait-ce qu'une demi-journée, quelques heures, que la bête passe en position donc, où elle doit, on doit sortir la zakat. Donc il a dit « Wahiya ra'iya » et c'est celle qui est en pâturage « Wahiya talathatu anwa'a ». Et donc les bestiaux sont de trois catégories. Donc il y a trois catégories pour lesquelles on doit sortir la zakat. Donc ces catégories-là, on les trouve dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pas par l'aql, c'est pas par la raison qu'on va inventer ces catégories-là, mais c'est simplement par donc les sources jurisprudentielles qui sont le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et on les trouve dans la sunna. Donc concernant les bestiaux là pour lesquels on va sortir la zakat et ceux dont il est question dans ce chapitre-là, il faut que ce soit donc des bêtes sa'ima. Si jamais c'est de la marchandise, on va sortir la zakat en tant que marchandise, comme on va la sortir pour toute marchandise. Il n'y aura pas donc les seuils que l'on va citer là. On va voir que le seuil du chameau, c'est à partir de 5, lorsque c'est une bête sa'ima qui est en pâturage. Mais lorsque c'est un chameau que l'on a pour vendre, à ce moment-là, au bout d'un chameau, lorsque un an tourne sur ce chameau-là, on va sortir 2,5% de son prix. Dans Urd Tijara, les marchandises, il y a zakat sur tout. Une palette d'allumettes, une palette d'eau gazeuse, sur tes sederi d'occasion qui sont chez toi et que tu veux vendre, hein, du moment que ce bien-là que tu veux vendre, il dépasse le nisab, il y a zakat. Une fois que un an tourne sur ce bien-là, c'est 2,5%. Donc lorsque la bête, on l'a en possession, donc en tant que marchandise, on n'est pas dans ce chapitre. Elle entrera dans le chapitre des marchandises. De même, lorsque la bête est une bête qu'on a pour El-Harth, par exemple. Pour El-Harth, comme les vaches à l'époque, ils étaient utilisés pour tirer. Pour tirer, par exemple, des outils qui servent à retourner la terre. Ou par exemple, qu'ils sont utilisés pour travailler. Au bled, ça existe. Et là, il a, par exemple, un chameau, Mathelin, pour tirer une carriole. Et pour amener les gens d'un village à un autre. Là, il n'y a pas zakat dans cette bête-là. C'est la bête qui est dans les pâturages, qu'on utilise pour le lait, qu'on veut après nous manger. Mais si j'ai 5 chameaux, et ces 5 chameaux-là, je les garde pour les utiliser pour partir avec mes enfants au marché. Par exemple, tous les jours, il y a des marchés dans les campagnes, par exemple, de certains pays. Ils ont le marché du lundi, le marché du mardi, le marché du mercredi. Et ça, c'est des chameaux que j'utilise pour aller là-bas. Et porter de la marchandise à l'aller, au retour, etc. Ou pour même prendre des gens derrière moi et leur faire payer le voyage ou autre. Tout ça, ça n'entre pas donc dans zakat sa'im. Donc il dit « Wahiya thalathatu anwa'. » Donc zakat sa'ima, les bêtes de pâturage, elles sont de trois types. Il dit « Ahaduha al-ibil ». La première, « al-ibil ». Donc les chameaux, dans le sens large, chameaux dromadaires. Donc, ahaduha al-ibil, les chameaux. Donc vont entrer là-dedans les dromadaires à une bosse, qui sont arabes, et les chameaux qui sont asiatiques selon la définition européenne. Les arabes ils disent c'est turc, at-turk, Donc ces deux catégories-là entrent dans Al-Ibil. Il dit, rahimahullah, wala shay'a fiha hatta tablugha khamsa. Il n'y a rien donc pour cette première catégorie, les chameaux, jusqu'à ce qu'ils atteignent le nombre de 5. Fayajibu fiha shay. Alors à ce moment-là, on est obligé de sortir un mouton. Et quand on dit un mouton ici, c'est une brebis. C'est une femelle, c'est une brebis. On va le voir après. Surtout dans le madhhab. Donc pour les chameaux, un chameau, pas de zakat. 2, pas de zakat. 3, rien. 4, rien. 5, à ce moment-là, je commence à décompter un an. Lorsque un an sans passer sur ces 5-là, je dois sortir une brebis. Donc si j'ai une brebis, je sors une brebis. Si je n'ai pas de brebis, j'achète une brebis. Et après, je donne une brebis. Je ne donne pas la somme d'une brebis. Mais à la base, ça, c'était dans les pays musulmans. C'est-à-dire, il y a As-Su'a, les gens qui sont responsabilisés par l'État et qui viennent et qui regardent tes biens et qui estiment ce que tu dois sortir. Et ce sont des gens de ilm et de taqwa, de science et de crainte, qui ne vont pas t'arnaquer, te faire d'injustice et ne vont pas te laisser toi aussi être injuste envers les pauvres en sortant ce que tu veux. Parce qu'on va voir que tu ne sors pas ce que tu veux suivant les caractéristiques de tes biens. Mais aujourd'hui, pour celui qui a cela, ben, s'il a une brebis à sortir, il la sort et il la donne à un pauvre. Après, le pauvre, il en fait ce qu'il veut. Il égorge, il la mange, il va la vendre au marché ou autre. Et on voit l'intérêt qu'il y a un État islamique. Parce que quand il n'y a pas d'État islamique, tout ça, là, après, c'est laissé à la taqwa des gens. Et vu la taqwa aujourd'hui de la plupart des gens, hélas, c'est une réalité, beaucoup vont esquiver la zakat. Alors que lorsqu'il y a un état musulman, il en est autre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre donc ce seuil dans le hadith. Il dit sallallahu alayhi wa sallam wa laysa fi ma duna khamsi dhawdin min al-ibli sadaqa. Il n'y a pas en dessous de 5 têtes de chameau de zakat. Ça c'est le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il dit ensuite wa fil 'ashri shatan. Et pour 10 chameaux, il y a donc 2 brebis. Wa fi 15 3 shiyah. Et pour 15, donc, têtes de chameau, il y a 3 brebis. Et pour 20 chameaux, il y a 4 brebis. Donc ici, c'est facile, c'est proportionnel. Pour 5, une brebis. Pour 10, 2 brebis. Pour 15, 3 brebis. Pour 20, 4 brebis. Il dit, il a 25, jusqu'à 25. Jusqu'à 25. Lui, quand il dit jusqu'à, là, dans cet épître-là, il sort la limite qu'il cite. Jusqu'à 25, c'est-à-dire pour nous, en français, on dit jusqu'à 24. Hein, jusqu'à 24. Donc, lorsque tu as 24 chameaux, tu sors combien de moutons? Tu en sors 4. Arrivé à 25, on passe à un autre nisab. Il dit, fafiha bintu mahad. Il y a, donc ici, lorsque tu en as 25, une chamelle qui a un an, qui a fini ses un an lunaire et qui entre dans sa deuxième année. Et on appelle ça bintu mahad. Là, l'expression qu'il amène lui dans son texte, c'est l'expression du hadith d'Abu Bakr radiallahu anhu. Mot à mot, quasiment, il rapporte les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsqu'on atteint 25 chameaux, il faut sortir ce qu'on appelle bintu mahad. C'est une chamelle qui a un an et qui est entrée dans sa deuxième. Bintu mahad, on l'appelle mahad, bintu mahad, parce que sa mère, de manière générale, elle est mahid, elle est enceinte. Elle porte dans son ventre. C'est pour ça qu'on appelle ça Bintu Mahad, une fille d'une chamelle qui, normalement, est en grossesse. Wahiya Bintu Sena. C'est donc une chamelle qui a un an. Fa'in lam takun inda. Si jamais, donc dans son troupeau, il n'a pas une Bintu Mahad, une chamelle qui a un an. Fa'bnu Laboun. Alors, il doit sortir un chameau. Donc, à la base, c'est une chamelle. On verra, à la base, c'est... on sort des femelles. De manière générale. Fabnu Laboun. Alors il va sortir un chameau de 2 ans, qui a fini 2 ans et qui entre dans la troisième année. Pourquoi Ibnu Laboun? Parce que sa mère, elle allait de manière générale. La première, c'est Bintu Mahad, parce que sa mère, de manière générale, elle est enceinte. Le chameau ou la chamelle, quand ils ont 1 an, sa maman qu'il avait mis au monde, elle est à nouveau enceinte. Lorsqu'il a 2 ans, sa mère, elle allait désormais. Fabnu Laboun. Wahua Ibnu Sanatein. Et il dit, et c'est celui qui a 2 ans. Il a sittin wa thalathin. Donc jusqu'à 36. Donc nous, on va dire jusqu'à 35. Là, on était à combien? 25. Qu'est-ce qu'on sort? Une chamelle d'un an. si on n'a pas une chamelle d'un an, hein, chameau de 2 ans. 26 pareil, 27 pareil, 34 pareil, 35 pareil. Tu as 35 chameaux, un an tourné dessus, qu'est-ce que tu dois sortir? Une chamelle de 1 an ou un chameau de 2 ans. Lorsque tu passes à 36, fayajibu fiha bnat ou laboun. Alors à ce moment-là, tu dois sortir une chamelle de 2 ans. Ibnatou laboun, une chamelle dont la mère est en train d'allaiter. Tu sors une chamelle de 2 ans. Il a sittin wa arba'in, jusqu'à, lui il dit 46. Donc à 46, on va changer de seuil. Donc nous, on va dire jusqu'à 45, on sort toujours quoi? Une chamelle de 2 ans. Une fois que tu arrives à 46, fayajibu fiha hiqqa. À ce moment-là, il faut que tu sortes. Hiqqa, c'est une chamelle qui a 3 ans. Qui a fini ses 3 ans lunaires. Pourquoi on l'appelle hiqqa? Li'anna huqqa laha an yuhmala 'alayha. Elle mérite que on lui mette des charges sur le dos. Maintenant c'est une bête qu'on utilise pour porter. Et aussi huqqa laha an yatruqaha al-fihl. Et aussi c'est une chamelle qui est désormais c'est une chamelle qui est prête à l'accouplement. Pour ça qu'on l'appelle aussi taruqatu fihlin. Al-fihl, c'est le mâle qui est utilisé donc pour les accouplements. Donc lorsqu'on arrive à 46, à ce moment-là, on doit sortir une hiqqa, donc c'est une chamelle qui a 3 ans. C'est pour ça qu'il dit « laha thalathu sinin ». Il a « ihda wa sittin », donc jusqu'à 61. Donc nous, on va dire jusqu'à 60. Jusqu'à 60, chameau, qu'est-ce que tu dois sortir? Tu dois sortir une hiqqa. C'est une chamelle qui a 3 ans. Il dit « il a ihda wa sittin ». Lorsque tu arrives à 61, « fayajibu fiha jadha'a ». Lorsque tu arrives à 61, il dit ici ce qui est obligatoire, c'est une jadha'a, c'est celle qui a 4 ans. C'est pour ça qu'il a dit walaha arba'u sinin. Donc c'est une chamelle qui a terminé ses 4 ans et qui commence les 5. Les Arabes, c'est lorsqu'on finit 4 ans qu'ils disent, d'ailleurs, même en France, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 11 mois, et après on passe à 1 an quand on a bouclé les 1 an. Donc on sort une jadha'a. À partir de 61. Il dit il a sittin wa sab'in jusqu'à 76. Donc de 61 à 75, on sort une jadha'a. À partir de 76, fa fiha ibnata laboun. Deux chamelles. Ibnata laboun, c'est quoi? Deux chamelles de 2 ans. Il a ihda wa tis'in jusqu'à 91. Donc nous, de 76 à 90, qu'est-ce qu'on sort? De 76 à 90, deux chamelles de 2 ans. Deux chamelles de 2 ans. Ibnata laboun. Deux chamelles de 2 ans. Il a ihda wa tis'in. Jusqu'à, il dit 91. Donc à 91, on change. Fafiha hiqqatan. Il faut deux chamelles de 3 ans. Al-hiqqa, c'est la chamelle de 3 ans. Il a ishrina wa mi'a. Jusqu'à 120. Donc jusqu'à 119. Parce que lui, il sort la limite qu'il donne. Donc de 91, 92, jusqu'à 100, 110, 111, 112, 113, 119, jusqu'à 119. D'accord? Jusqu'à 119, qu'est-ce qu'on a? Hiqqaten, deux chamelles de 3 ans. Une fois que tu as 120 têtes, 120 chameaux, il dit, ila ishirina wa mi'a, fa idha zadat wahida, fa fiha thalathu banat ilaboun. Jusqu'à 120 inclus là. Ici c'est jusqu'à 120 inclus. Donc on a de hiqqa jusqu'à 120 inclus. Il a ishrina wa mi'a. Na'am, jusqu'à 120, donc il faut de hiqqa. Il dit fa idha zadat wahida. Donc de hiqqa, c'est deux chamelles de 3 ans. Fa idha zadat wahida. Si jamais il y en a une en plus. Donc on est à combien là? 121. Fa fiha thalathu banati laboun. Alors on devra sortir 3 filles de laboun, c'est 3 chamelles de 2 ans. Na'am. 3 chamelles de 2 ans. Donc ça, c'est à partir de 121. À partir de 121. Donc cette valeur-là, on va la garder jusqu'à 129. Jusqu'à 129. C'est-à-dire 3 3 benet ou laboun. 3 chamelles de 2 ans. Na'am. Jusqu'à 129. Il dit ensuite, ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونَ. Il dit ensuite, dans chaque cinquantaine, il y aura une hiqqa, une chamelle de 3 ans. Wafi kulli arba'in, et dans chaque quarantaine, bintu laboun, une chamelle de 2 ans. Une fois que tu arrives à 130, donc une fois qu'on est à 121 jusqu'à 129, on a 3 chamelles de 2 ans, 3 benetu laboun. Là maintenant, à 120 T1, on a quoi? Voilà, on a 3 benetu laboun. 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, on a 3 Talatou Benet Ilaboun, c'est-à-dire 3 chamelles de 3 chamelles de 2 ans. Arrivé à 130, ça va changer. À chaque fois maintenant, on va à chaque fois prendre pour 50, on va prendre une. Il dit, Souma fi kulli khamsin hiqqa, pour chaque cinquantaine de chameaux par rapport à ton total. Tu vas prendre une hiqqa, une chamelle de 3 ans. Wa fi kulli arba'in, pour chaque quarantaine, bintou labou, une chamelle de 2 ans. Arrivé à 130, on a quoi? On a deux fois 50. Non, on a une fois 50 et 40, 40. 40 et 40, 80 et 50? 130. Ça fait 130. Ouais. Donc on a une benetou labou, une benetou labou, une hiqqa. On aura deux chamelles de 2 ans et une chamelle de 3 ans. Ensuite, on a 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139. On a toujours deux benetou labun et une hiqqa. Arrivé à 140, qu'est-ce qu'on a? 50 plus 50, 100 plus 40, 140. Donc on a deux hiqqa pour les 50-50 et une benet labun. Une ou une. Parce que 40 pour 40. 140. Une hiqqa pour 50, une hiqqa pour 50. Donc une chamelle de 3 ans, une chamelle de 3 ans et une chamelle de 2 ans pour les 40 restants. Après, pareil, ça reste donc jusqu'à 149 comme ça. Arrive à 150, on a 3 hiqqa. 3 hiqqa, c'est le pluriel de hiqqa. On aura 3 chamelles de 3 ans. Après, c'est pareil jusqu'à 159. Arrive à 160, on aura 4 benet ou laboun. 4 fois 40, 160. 4 chamelles de 2 ans. Tout le monde suit là, maintenant. Pareil jusqu'à 169. Arrivé à 170, on aura une hiqqa pour 50 et 3 benet ou laboun. 3 fois 4, 12. 3 fois 40, 120, plus 50, 170. T'as compris? Une chamelle de 3 ans et 3 de 2 ans. Et on reste pareil jusqu'à 179. Arrivé à 180, on a 2 bintou laboun, 2 chamelles de 2 ans. Ça fait 40 plus 40, 80. 50 plus 50, 100. Deux hiqqa. Donc, on aura deux hiqqa. Deux chamelles de 3 ans. Pour 100 chameaux. Et deux chamelles de 2 ans pour 80 chameaux. Là, on est à 180. Pareil jusqu'à 189. Parce qu'on ne peut pas changer à 180. Ça reste pareil. On a dit pour chaque cinquantaine maintenant, on a une hiqqa, une chamelle de 3 ans. Et pour chaque quarantaine, on aura une bintou laboun, une de 2 ans. Donc, 181, c'est pareil. Ça ne change pas. 82, 83, on monte jusqu'à 189, c'est toujours pareil. On arrive à 190, on a 3 hiqqaq, donc 3 chamelles de 3 ans pour 150, plus 40, 190. Plus une bintou laboun, une chamelle de 2 ans. Une fois qu'on arrive ici à 2 ans, à 200, une fois qu'on arrive à 200 têtes, ici on a le choix. Soit 5 hiqqaq, soit 5 bintou laboun, soit 5 chamelles de 2 ans, soit 4 hiqqaq, soit 4 chamelles de 3 ans. 4 fois 50, ou bien 5 fois 40. C'est pour ça qu'il dit donc, summa fi kulli khamsina hiqqa. Puis dans chaque cinquantaine, on aura une chamelle de 3 ans, wa fi kulli arba'ina bintou laboun, et pour chaque quarantaine, on aura une chamelle de 2 ans. Et dans le hadith donc d'Abi Bakr, le prophète alayhi salatu wassalam dit, il a mis atteint jusqu'à 200, fa yajtami'u al-fardain. À ce moment-là, donc les calculs se réunissent, le choix est présent. Fa insha'a akhraja arba'a hiqaq, s'il veut, il sort 4 hiqaq, 4 chamelles de 3 ans, wa insha'a khamsa banat ilabun, ou bien s'il veut, 5 chamelles de 2 ans. Donc c'est saisi là, mon chameau, on continue. Wa man wajabat alayhi sinnun fa lam yajidha akhraja adna minha wa ma'aha shatan aw 20 dirhama. Et celui qui ne trouve pas, donc l'âge qu'il doit sortir dans son troupeau. Il doit sortir une hiqqa, il n'a pas de hiqqa. Il n'a que des benet laboun, par exemple. Il doit sortir des bint laboun et il n'a que des bintou mahad, par exemple. Donc celui qui doit sortir donc un âge déterminé et qu'il ne l'a pas, akhraja adna minha, il sort un âge moindre, wa ma'aha shatan, et avec deux moutons. Donc il donnera une bête ayant un âge inférieur. Il donnera à celui qui est envoyé par l'État pour récupérer sa zakat, il donnera deux moutons. Il dit « Aw 20 dirham » ou bien 20 dirhams qui sont les pièces d'argent. Les savants, ils ont divergé. Est-ce que les 20 dirhams, pièces d'argent, c'est déterminé par la législation, par le prophète alayhi salatu wassalam, en faisant abstraction du temps, quand l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire que ce n'est pas spécifique au temps du prophète alayhi salatu wassalam, c'est ta'abboudi, c'est adoratoire, ou bien est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a visé par cela que s'il ne sort pas de moutons, il en sort l'équivalent. Donc 20 dirhams, c'était l'équivalent de 2 moutons à son époque. Donc c'est ce deuxième avis que l'on choisit. C'est celui qui paraît le plus prépondérant, c'est que 20 dirhams, 20 pièces d'argent, c'était l'estimation à l'époque de 2 moutons. Donc aujourd'hui, celui qui ne trouve pas l'âge donc de la chamelle qu'il doit sortir, il sort une chamelle d'un âge en deçà et il sort le prix de 2 moutons. Il sort le prix de 2 moutons ou bien 2 moutons. Il donne avec 2 moutons ou bien le prix de 2 moutons. Mais on ne va pas chercher la valeur de 20 dirhams de l'époque du prophète alayhi salatu wassalam et sortir cet équivalent-là, non. Donc ça, c'est, ça peut arriver, sauf dans un cas, s'il ne trouve pas une bintu mahad, pour le premier cas, pour les 25 chameaux, qu'est-ce qu'il peut sortir? Un chameau, un mâle de 2 ans. Un bnu laboun, un chameau de 2 ans. Il dit ensuite, rahmatullah alayh, wa in sha'a akhraja a'la minha, wa akhadha shatayn aw 20 dirhama. Et s'il veut, il sort un âge supérieur, si jamais il n'a pas l'âge demandé. Si jamais il n'a pas l'âge demandé. Il sort un âge supérieur et il prend, lui, 2 moutons. Il prend 2 moutons. Donc ça, ce sera possible que dans un état musulman où si tu croises un pauvre qui a 2 moutons, tu dis, tiens, le chameau, donne-moi tes 2 moutons. Mais donc, dans un état musulman, le trésor public, il va te donner 2 moutons et tu vas donner une chamelle d'un âge supérieur. Ça, c'est si jamais tu n'as pas l'âge de la chamelle qui est demandée. Si jamais tu veux sortir un âge supérieur de toi-même, tu ne dis pas, alors que tu as l'âge demandé, tu as le droit, ça, on va le voir. Par exemple, tu dois donner une hiqqa, mais toi, tu veux donner une jada'a. Tu dois donner une de 3 ans, mais toi, tu donnes une de 4 ans. Tu ne leur dis pas, je vous donne une de 4 ans, alors que tu as celle de 3 ans, et donnez-moi 2 moutons. Non. Mais si jamais tu veux le faire de toi-même, tu as une récompense, on le verra. Wa insha'a akhraja a'la minha. Et s'il veut, donc si jamais il n'a pas l'âge demandé, l'âge prescrit par la législation, il sort quelque chose d'un âge supérieur, une chamelle d'un âge supérieur, wa akhadha shatayn, et il prend donc 2 moutons, aw 20 dirhama, ou bien 20 dirhams, ça c'était à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, à notre époque, il prendra le prix donc de 2 moutons, la valeur de 2 moutons. Donc dans la zakat du chameau, on remarque que l'on prend que des femelles. Hein, on prend que des femelles. Sauf si jamais il n'a pas de bintu mahad, il n'a pas de chamelle de 2 ans, de 1 an, il n'a pas de chamelle d'un an, alors à ce moment-là, il sort un chameau de 2 ans. Mais si jamais il n'a que des chameaux mâles, si jamais il n'a que des chameaux mâles, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne charge une âme que ce qu'il peut faire, donc il donnera un chameau. Un chameau mâle. Selon la ville plus authentique, certains disent que tu dois aller au marché acheter une femelle comme il t'est demandé et la donner, mais Allah a'lam, puisque tu n'as que des mâles, tu donneras un mâle. Et donc si jamais la personne donne une bête d'un âge supérieur, c'est permis. Walillahi alhamd. Il dit ensuite, la deuxième catégorie, al-baqar, donc les bovins. Il dit, donc les vaches, il y a les vaches, il y a les taureaux, et il y a dedans un jawamis, donc les buffles. Les vaches un peu qui sont un peu bizarres, on trouve en Inde, dans certains pays, avec des longues cornes, parfois ils ont une bosse un peu comme les bisons sur le dos. Aussi, il y a zakat dans cette catégorie-là. Donc de même, il faut qu'elles soient sa'ima, il faut qu'elles soient en pâturage. Hein, plus de la moitié de l'année. Il ne faut pas que ce soit des bêtes de harth aussi. Il ne faut pas que ce soit des bêtes dont on se sert, comme ça existe à une certaine époque, ici même, mais ça existe toujours dans d'autres pays, on s'en sert pour tirer certains ustensiles ou pour autre chose. Et si jamais c'est une marchandise, c'est une zakat de arut tijara et non pas donc de sa'ima. Ce sera une zakat de marchandise et non pas selon les taux que l'on va citer ici. Donc il dit « Wa la shay'a fiha hatta tablugha thalathin ». Donc il n'y a pas de zakat jusqu'à ce que le troupeau atteigne 30 têtes. 30 bovins. Fayajibu fiha tabi'a. Alors à ce moment-là, ce qui est obligatoire, c'est un tabi'a, c'est, on va appeler ça un veau, je ne sais pas après si en français on appelle encore ça un veau, qui a un an. Qui a un an. Donc le tabi'a, c'est celui qui a un an, ou tabi'a, ou bien une femelle d'un an. Donc soit un mâle, soit une femelle d'un an. On l'appelle tabi'a parce que al-ghalib yatba'u ummahu, parce que de manière générale, il suit sa mère. Dans le champ, il est toujours derrière sa mère. Donc le tabi'a, c'est le mâle, et at-tabi'a, c'est la femelle. La hasana. Donc il dit, rahmatullah alayh, la hasana. Il a arba'in, jusqu'à 40. Jusqu'à 40. Donc il dit jusqu'à 40. Ce n'est pas un tabi'a jusqu'à 40 inclus. Jusqu'à 39. D'accord ? Jusqu'à 39, tu dois sortir donc un veau, ou je ne sais pas si on appelle ça encore un veau, mais du moins une bête qui a un an. Il dit, il a arba'in, donc lorsqu'on arrive à 40 têtes, fafiha musinna. La hasanatan. À ce moment-là, on doit sortir donc une vache ou bien un taureau de 2 ans. Donc, dans les valeurs intermédiaires, il n'y a pas de zakat. Hein, dans les awqas. Dans les awqas, 31, 32, 33, 34 jusqu'à 39, on est toujours à un tabi'a ou bien une tabi'a. Un veau de 1 an, qu'il soit mâle ou femelle. Lorsqu'on arrive à 40, on passe à une musinna. Donc, c'est une bête de 2 ans. Une bête de 2 ans. Et c'est une femelle, pardon. Ici, c'est une femelle, wallah a'lam. Donc, la zakat de des bovins, on la tire du hadith de Mu'ad ibn Jabal radiyallahu an. Anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lamma wajjahahu ila al-yamani amarahu an ya'akhudha min al-baqari min kulli 30 tabi'an aw tabi'a. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a dit à Mu'ad ibn Jabal de partir au Yémen, il lui a ordonné de prendre dans la zakat des bovins de chaque trentaine de têtes un tabi'a ou bien une tabi'a. Donc une bête d'un an, qu'il soit mâle ou femelle. Wa min kulli 40 musinna. Et de chaque 40 têtes, une musinna, une bête de 2 ans. Donc musinna, c'est une femelle. On ne prend pas ici un taureau de 2 ans. On prend une vache de 2 ans. Il dit il a sittine. Il a sittine. Donc lorsqu'on est arrivé à 40, on monte jusqu'à 59 là. À 50, c'est toujours pareil. Le seuil ne change pas à 50. Donc on monte jusqu'à 59. Il dit donc jusqu'à 59, on a toujours une moussina, une bête de 2 ans. Il dit il a sittin fa fiha tabi'an. À ce moment-là, on doit sortir deux bêtes de 1 an. Il a sab'ina fa fiha tabi'un wa moussina. Jusqu'à 70, on doit sortir à ce moment-là un tabi'. Donc une bête d'un an wa musinna et une bête de 2 ans femelle. Summa fi kulli 30 tabi'a. Et ensuite dans chaque trentaine un tabi'a, donc un mâle de 1 an. Wa fi kulli 40 musinna. Et dans chaque quarantaine une femelle de 2 ans. Al musinna, elle est appelée comme ça parce que de manière générale kharajat asnanuha, ses dents sont sorties. C'est pour ça qu'on l'appelle al musinna. Donc là, on s'arrête à combien? On s'arrête à 70. Donc de 70 à 79, on a une moussina, un tabi'a, une bête de 2 ans, une bête d'un an. Après de 80 à 89, moussinnatain, deux moussina, deux bêtes de 2 ans. De 90 à 99, 3 tabi'a, 3 bêtes d'un an. De 100 à 109, deux bêtes d'un an, tabi'an, et une moussina, une bête de 2 ans. Tabi'un wa moussinnatain, de 110 à 119. De 110 à 119, on a une bête d'un an et Wamusin Naten et deux bêtes de 2 ans. Donc c'est comme tout à l'heure. À chaque trentaine, une bête d'un an et à chaque quarantaine, une bête de 2 ans femelle. Et après arriver à 120, on a le choix. Soit on a 4 tabi'a pour 4 fois 30, donc 4 bêtes d'un an, ou bien on a 3 Musinna. Pour 3 fois 40, 3 bêtes de 2 ans. Il dit Un nou'u thalith, troisième type, al-ghanam. Donc les ovins. Donc il va y avoir ici les caprins, il va y avoir les chèvres et les boucs, et les moutons et les brebis. Il dit Wala shay'a fiha hatta tablura 40. Il n'y a pas de zakat jusqu'à ce que soit atteint le nombre de 40. Fa fiha shah. Il y a donc une brebis. Une brebis pour 40 têtes. Ila ishrina wa mi'a, jusqu'à 120 inclus. Jusqu'à 120, on est toujours à une brebis. On est toujours à une brebis. Passé à 121, il dit ila ishrina wa mi'a fa idha zadat wahida fa fiha shaytan. Donc à 121, on est à deux brebis. Ila mi'atayn, jusqu'à 200. Jusqu'à 200, on est à deux brebis, jusqu'à 200 inclus. Jusqu'à 200 inclus, on est à deux brebis. Donc de 0 à 39, on a quoi? On n'a rien. De 40 moutons jusqu'à 120 inclus, on a un mouton. On a un mouton. De 121 à 200, on en a deux. Chaten, on a deux brebis. Donc il dit فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانَ. Donc si jamais il y en a une qui est ajoutée, donc à 120, donc il parle là de 121, il y a alors deux moutons. Il a mis atteint jusqu'à 200. فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً. Donc s'il y en a une d'ajoutée, فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَةً. Il y a alors trois brebis. 201, trois brebis. 202, trois brebis. Il dit ensuite ثُمَّ فِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةً. Et à chaque centaine, il y aura un mouton. Donc pour 3 centaines, pour 300 moutons, on a 3. On en a 3, donc ça ne change pas par rapport à 201. Jusqu'à 399. Et arrivé à 400, on est à 4 brebis. D'accord? Jusqu'à 499. 5 brebis. 500 moutons, 5 brebis. 600 moutons, 6 brebis. Et tu montes comme ça, de manière jusqu'à au nombre de ton troupeau. Il dit ensuite, وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسُنْ. Et on ne prend pas dans la sadaqa, donc dans la zakat, taïsun, un bélier ou un bouc. Wala dhata awar, et ni une bête ayant des défauts. Wala harima, et ni une vieille bête. Donc là, il est en train de montrer les bêtes que l'on doit donner lorsque l'on donne sa zakat, ou bien que l'on doit prendre aussi lorsqu'on est parmi les su'a, parmi les gens que l'état à qui l'État délègue la responsabilité d'aller chercher donc les biens. Il dit donc wala yu'khadhu fi sadaqati tais. On ne prend pas de la sadaqa tais. Un tais, c'est un bélier. Ici, les savants, ils ont deux explications. Deux explications. Le tais, il a été mis avant deux bêtes à défaut. Celle qui a des défauts conséquents, alors la boiteuse, qui est extrêmement maigre ou autre. Voilà le harima, voilà harima, et ni la vieille. Donc le tais, ici, il est cité comme étant un défaut. Parce qu'à la base, on doit prendre quoi? Une untha, on doit prendre une femelle. Donc là, c'est un mâle. Ça, c'est une explication. Une autre explication, c'est que on ne doit pas prendre les meilleurs biens. Les meilleurs biens de la personne, comme on le verra. Le prophète a dit à Mu'ad, et fais attention à leurs meilleurs biens, à leurs biens les plus précieux. Donc, c'est une injustice que de prendre un bélier ou un bouc parce que il permet de faire la reproduction avec les femelles. Donc, de ce point de vue, prendre un bélier ou bien un bouc pour la reproduction qui sert à la reproduction, c'est une injustice faite. Mais il y a une autre explication aussi, c'est qu'il ne faut pas le donner parce qu'à la base on doit donner une femelle, et le mâle de manière générale chez les gens, chez les éleveurs, ça a une moindre valeur que la femelle. C'est une moindre valeur que la femelle. Donc il dit wala yu'khadhu fi sadaqati tais. Donc on ne prend pas un bélier ou un bouc, ou la dhat awar, et ni une bête à défaut, donc une qui boiterait, qui n'arrive pas à suivre le rythme du troupeau, mathalan, une aveugle, une qui aurait une jambe coupée, une extrêmement maigre, et les défauts sont nombreux. Et souvent ces défauts, on revient donc à ahkam al-udhiya, aux règles donc du sacrifice de la bête à sacrifier pour Eid al-Adha, et on les trouve. Wala harima, et ni une vieille bête, une bête qui est toute vieille, toute maigre, on ne la donne pas non plus, car Allah subhanahu wa ta'ala dit wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun, et ne visez pas parmi vos biens ce qui est mauvais afin de le dépenser, dans surat al-Baqarah. Donc il ne fait pas partie du serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala de chercher ce qu'il a de malade et de mauvais dans son troupeau pour le donner aux pauvres. Et ça, c'est notamment important aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas cet état qui vient prendre la zakat chez l'éleveur. Mais normalement, ceux qui viennent chercher donc chez l'éleveur des bêtes, ce sont des gens nadis de ilm et de taqwa. Donc par le ilm, ils ne vont pas prendre donc des choses qui ne sont pas adéquates aux pauvres. Ils savent que la bête vieille, maigre, etc., à défaut, on ne doit pas la prendre. Mais leur taqwa aussi va leur permettre de ne pas faire injustice à la personne. Ils ne vont pas lui prendre ses meilleurs biens. Un gros bélier, qui est le seul du troupeau, qui sert à la reproduction avec les femelles, ils lui prennent. Non, ça c'est du dhulm, c'est de l'injustice. Mais là-bas, c'est qu'il faut que la personne à qui on prend les biens, donc là je parle des souhaits, les gens qui sont délégués par l'État, il ne faut pas faire injustice à la personne, il faut qu'il donne de bon cœur. Il donne de bon cœur la part de zakat qu'il doit donner. On trouve ça dans le hadith du prophète alayhi salatu wa salam. La yahillu malu mari'in muslimin illa bi tibi nafsin min. Donc les biens d'un musulman, les biens d'un individu musulman ne sont licites que si jamais il les donne de bon gré. Le hadith est rapporté par Al-Bayhaqi al-Darqutni, Cheikh Al-Albani l'a authentifié. Wala ruba. Donc il met toujours en garde contre des types de bêtes qu'il ne faut pas prendre. Wala ruba. Donc ar-ruba, et le pluriel c'est ar-rubab, c'est la bête, c'est celle que l'on garde et que l'on élève pour son lait. Donc la laitière, on va dire. C'est celle qui est laitière. Donc on ne prend pas la bête laitière, ça par rapport à kara'imul amwal, au meilleur bien, par rapport aux biens les plus précieux. Wala al-ma'akhid, et ni celle qui est enceinte, celle qui est porteuse. Parce que là, c'est quelque chose qui le met dans la gêne et c'est une injustice. Car dans peu de temps, elle va mettre au monde et ça lui permet d'avoir une bête en plus. Donc on ne prend pas non plus la bête enceinte. Wala al-akula, et ni celle donc qui a été élevé et engraissé pour être mangé. Donc ces trois-là, celle qui est laitière, qui a beaucoup de lait et qui donne du lait, celle qui est enceinte et celle qui est engraissée pour être mangée, on ne doit pas les prendre. Et ceci, on le tire du hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « فَإِيَّكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ » Fais attention à leurs biens les plus précieux. Il dit « وَلَا يُؤْخَذُ شِرَارُ الْمَالِ » Donc on ne prend pas les plus mauvais biens. Donc dans les chamelles, lorsqu'on va prendre une hiqa, on ne prend pas une hiqa qui sort du lot par le bas, c'est-à-dire qui est vieille ou qui n'est pas belle, etc. Il dit « وَلَا يُؤْخَذُ شِرَارُ الْمَالِ » On ne prend pas les biens, donc les moindres en qualité, « وَلَا كَرَائِمُ » et ni les meilleurs. Donc nous, ni on ne donne ce qui est. Donc, concernant celui qui donne, il ne donne pas ce qui est le moins bien chez lui, mais s'il veut donner quelque chose de meilleur, c'est permis. Mais celui qui prend, eux, ils ne prennent pas le moins bien, ce qui est de la basse catégorie, et non plus ce qui fait partie des meilleurs biens. Illa an yatabarra'u bihi, sauf si jamais les personnes le donnent de bon gré. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, donc il a dit, donc dans le hadith, wala yukharaju tais, et la personne, on ne doit pas lui prendre donc un bélier, illa ma sha al-musaddiq, sauf si jamais, donc la personne qui donne son aumône, le donne de bon gré. Et Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhu, une fois il était donc responsable d'apporter la zakat, et il est arrivé chez une personne qui devait donner une bintu mahad, une chemelle, donc de 2 ans, et il n'avait pas une bintu mahad. Et la personne a voulu donner donc une chamelle bien plus adulte et plus belle et plus âgée au prophète alayhi salatu wassalam. Et Ubay ibn Ka'b, ne sachant pas le statut donc de cela, est-ce qu'il pouvait prendre quelque chose de meilleur que ce que exige la législation à la base, bien que la personne soit consentante, il est revenu vers le prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté cette chamelle-là et il lui a fait une invocation. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui bénir ses biens. Et cette personne, elle est restée vivante jusqu'à au temps de Muawiyah. Et son troupeau avait atteint un nombre de 1500 chameaux. Il avait donné cette chamelle-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a mis la baraka ensuite. Le hadith, il est authentique. Il a été jugé bon par Cheikh Al-Albani. Il est dans le Musnad d'Ahmed et Sunan Abu Daoud. Il dit ensuite, rahmatullah alayhi, وَلَا يُخْرَجُ إِلَّا أُنْثَى صَحِيحًا. Et il ne doit sortir qu'une femelle en bonne santé. Donc ça, c'est la base. On doit sortir une femelle. Donc on l'a vu dans les chamelles, sauf si jamais tu n'as pas une chamelle de 2 ans, une bintou mahad, alors tu sors abna laboun. Si jamais tu n'as pas une chamelle de 1 an, tu sors alors un chameau de 2 ans, car le texte le dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit. Donc il dit wala yukhraju illa untha sahiha, il ne doit sortir donc une femelle en bonne santé, illa fi 30 min al-baqar. Illa fi 30 min al-baqar, sauf donc lorsqu'il a 30 têtes, donc parmi les bovins. On avait dit qu'il sort soit un tabi', soit une tabi'a. Donc une bête d'un an, qu'il soit mâle ou bien femelle. وَابْنَ لَبُونٍ مَكَانَ بِنْتِ مَخَادٍ إِذَا عَدِمَهَا. Et un chameau donc de 2 ans, à la place d'une chamelle de 1 an, s'il ne l'a pas. C'est ce qu'on a cité précédemment. إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَاشِيَتُهُ كُلُّهَا ذُكُورًا. Et un autre cas, sauf si jamais tout son troupeau sont des mâles. Si jamais il n'a que des mâles, alors à ce moment-là, il peut sortir, un mâle. Certains savants disent il doit acheter une femelle et la sortir, mais Allah a'lam, Allah subhanahu wa ta'ala, bi'idhnillah, accepte un mâle, car c'est que ce qu'a ce propriétaire-là. Il dit أَوْ مِرَادًا فَيُجْزِئُ وَاحِدٌ مِنْهَا. Si jamais ils sont tous malades, toutes ces bêtes sont malades, alors il peut sortir à ce moment-là une malade. Parce qu'il n'a que ça. Wallahu a'lam. Mais il n'est pas obligé donc d'aller acheter une bête en bonne santé pour la donner. Wala yukhriju illa jadha'atan min ad-dan. Wala yukhriju illa jadha'atan min ad-dan aw thaniyatan min al-ma'z. Et il ne doit sortir, donc là on va parler des brebis qui doivent sortir. Et il ne doit sortir qu'une bête de 6 mois concernant donc les moutons, c'est ce qui est poilu. Ou bien une bête ayant 1 an parmi les chèvres, parmi ce qui est poilu et non pas les nœuds, ce qui n'a pas de laine. Donc les chèvres et les boucs. Parmi les chèvres et les boucs. Parce qu'on a dit chèvre. Quand on disait mouton, là, quand je disais brebis, ça peut être une chèvre aussi. Quand on dit pour 5 chameaux, il doit sortir chèvre. Donc soit un mouton qui a au minimum, soit une brebis qui a au minimum 6 mois, ou bien une chèvre qui a 1 an. Qui a 1 an. Pour Al-Ma'z, qui sont les caprins. Pour les caprins, c'est 1 an au minimum. Et pour les ovins, donc les moutons, ce qui est les nœuds, c'est au minimum 6 mois. Et c'est des femelles qu'il doit sortir. Ou bien l'âge, hein, ou bien l'âge qui a été donc légalement décrété. Donc ça, on le retrouve dans le long hadith d'Abu Bakr radiallahu anhu. إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب. Sauf si jamais le propriétaire choisit de sortir un âge supérieur à ce qui est obligatoire. Donc il peut sortir à la place de Bintou Mahad une Hiqa ou bien une Jada'a. Il peut faire cela. Et on a vu que le prophète alayhi salatu wa sallam avait accepté cela donc d'une personne et lui avait invoqué la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est si jamais il a l'âge qu'il doit sortir, l'âge qu'il doit sortir et qu'il veut sortir quelque chose de supérieur, ça lui est permis. Ça lui est permis. S'il n'a pas cet âge-là, on avait dit, soit il sort quelque chose d'inférieur et il donne 2 moutons, ou bien la valeur de 2 moutons avec, ou bien il sort quelque chose de supérieur et il récupère 2 moutons, ou bien la valeur de 2 moutons. Il dit, rahimahullah, أَوْ تَكُونَ كُلُّهَا صِغَارًا فَيُجْزِئُ صَغِيرًا. Et si jamais elles sont toutes petites, si jamais son troupeau, il n'a que des petits, alors il peut sortir à ce moment-là quelque chose qui est petit, en âge. Donc quelque chose qui est en deçà de l'âge légiféré, parce qu'il ne l'a pas, ils sont tous petits. Et si jamais il a dans son troupeau des bêtes en bonne santé, des bêtes malades. Et il a des mâles et il a des femelles. Il a des petits et il a des adultes. Il sort donc une bête en bonne santé et qui est grande. Il sort une bête en bonne santé et qui est grande. Donc selon l'âge prescrit. Jamais il l'a. قيمتها على قدر قيمة المالين. Et la valeur de cette bête-là, elle doit représenter la moyenne donc des bêtes composant le troupeau, pour que ce soit représentatif de son, donc de son troupeau. Donc pareil, si jamais il a des malades en bonne santé, il a une certaine proportion malade, une certaine proportion en bonne santé. Il va sortir quoi ? Une malade ou une en bonne santé ? Une en bonne santé. Hein, une en bonne santé. Mais dans celle en bonne santé, hein, il va tenir compte quand même de celles qu'il a qui sont malades, et il va en sortir une, hein, où il ne va pas être lésé de la présence de ces bêtes malades. Mais il ne sort pas une malade, il sort une en bonne santé. Mais s'il veut sortir la plus belle de son troupeau, ça c'est autant pour lui, walillahi alhamd. Mais il n'est pas obligé, il peut sortir une bête, ça c'est le minima donc obligatoire, il sort une bête donc qui est représentative de l'état moyen de son troupeau. Wa in kana fiha bukhatiyun wa irab. Et si jamais il a dans son troupeau donc des chameaux arabes, donc des dromadaires avec une bosse, donc ça c'est al-bukhati, c'est ceux qui sont avec deux bosses, les asiatiques, ou arabes, ou bien les dromadaires arabes. Donc là, il réunit pour le nisab, ces deux espèces, parce qu'elles appartiennent à un même jins, une même famille. D'accord ? On avait dit que le premier nisab, il est à 5 chameaux, 3 dromadaires, 2 chameaux, c'est bon. Hein ? 3 dromadaires, 2 chameaux, c'est bon. Et de même pour le reste des bêtes. Hein ? Si jamais c'est des buffles avec des vaches, on avait dit que c'est à 30 qu'on commençait, il a 20 buffles et 10 vaches, c'est pareil, on ne regarde pas si c'est du charolais, du limousin, etc. Ça rentre dans la même famille. De même pour des chèvres avec des moutons. Des chèvres et des moutons. C'est la même chose, une fois que le total arrive au nisab, il faut sortir la zakat. Parce que maintenant on tournait sur ce bien-là. Pour ça qu'il dit donc. وَإِنْ كَانَ فِيهَا بُخَاتِي وَعِرَابُ وَبَقَرٌ وَجَوَامِيسُ. Si jamais il y a donc dans son troupeau des chameaux et des dromadaires, ou bien des vaches et des buffles, وَمَعْزٌ وَضَأْنٌ, et des caprins et des ovins, donc des chèvres et des moutons. Quand je dis chèvre, il y a bouc avec. Hein. Quand je dis mouton, il y a brebis avec. Il dit وَكِرَامٌ وَلِئَمٌ, et des belles bêtes. وَلِئَمٌ, et des bêtes qui sont de mauvaise qualité. وَسِمَانٌ وَمَهَازِيلُ, et des bêtes grasses et des bêtes maigres. أُخِذَ مِنْ أَحَدِهِمَا بِقَدْرِ قِيمَةِ الْمَالَيْنِ. Donc il prend d'une des deux catégories selon la valeur donc qui représente, on a dit, la moyenne de ce troupeau là. Il dit وَإِنْ اِخْتَلَطَ جَمَاعَةٌ فِي نِصَابٍ مِنَ السَّائِمَةِ حَوْلًا كَامِلًا وَكَانَ مَرْعَاهُمْ وَفَحْلُهُمْ وَمَبِيتُهُمْ وَمَحْلَبُهُمْ وَمَشْرَبُهُمْ وَاحِدًا. فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد. Il dit وإن اختلط جماعة في نصاب. Et si jamais un groupe de personnes, donc 2, 3, 10, sont donc réunis, ils sont associés, في نصاب, donc dans un nisab, من السائمة, donc dans un nisab de bêtes de pâturage, حولا كاملا, une année complète, ça c'est une condition, وكان مرعاهم, et que donc le champ où ils, les bêtes paissent, est le même, وفحلهم, et que le mâle qui est utilisé pour l'accouplement, wa mabituhum, et que l'endroit, l'étable, hein, ou bien la bergerie, est la même, wa mihlabuhum, et aussi l'endroit où ils vont traire le lait, wa masharabuhum, l'abreuvoir, est le même, il dit fa hukmu zakatihim hukmu zakatil wahid. Alors le statut de leur zakat, c'est la zakat d'une seule personne. Ici, là, ce qu'il développe, rahmatullah alayh, c'est ce qu'on appelle khotatul awsaf. C'est le mélange, hein, des caractéristiques. Chacun a ses biens. Chacun a 20 moutons. Deux personnes. Lui, il a 20 moutons, et lui, il a 20 moutons. Celui-là, il a ses 20 moutons, et celui-là, il a ses 20 moutons. Et dans le troupeau, on sait, les 20 moutons de X, ils sont déterminés, et les 20 moutons de Y, ils sont aussi déterminés. Donc chacun a ses biens, mais ces biens-là, ils mangent dans le même endroit, ils dorment au même endroit, ils boivent au même endroit, etc. Ce qui a été cité ici. Mais Allah a'lam, nous ce que l'on va prendre en compte, c'est que dans le urf, donc dans la coutume de la société où ils vivent, on dit qu'ils ont mélangé leurs bêtes. Parce que ce qui a été cité là, c'est dans un hadith qui est da'if. Hein, et le fait qu'on enlève une caractéristique, est-ce que ça va avoir un impact? Pour certains savants, oui. Mais d'autres reviennent au urf, et Allah alam, c'est ce qui paraît le mieux. Lorsque ces bêtes, on dit que ces deux gens-là, ils sont associés. Donc ces bêtes-là, elles sont ensemble, dans le pâturage. Même si elles font que manger ensemble, mais elles dorment dans deux endroits différents, par exemple. On ne va pas prendre à la lettre ce qui est cité ici, car le hadith n'est pas authentique, Allah a'lam. Donc lorsque deux personnes sont associées dans la gestion de leurs bêtes, hein, ce n'est pas une association en termes de « on a 40 moutons ensemble, on a acheté 40 moutons ensemble, on a mis 10 000 euros, je dis ça comme ça, et on a acheté 40 moutons par exemple. Et ces 40, ils sont à nous deux, ces 40-là. Non, ce n'est pas ça dont on parle. Chacun a sa quantité déterminée, mais c'est dans la gestion, les caractéristiques qui sont de dormir, sortir de la bergerie, entrer, paître, etc., qu'on dit qu'ils sont associés. Donc ça, on appelle ça Khultatu Awsaf. Et il y a Khultatu Al-A'yan. Là, c'est le fait d'être propriétaire d'un certain nombre de moutons, ou bien de chameaux ou de vaches. Ce troupeau-là, il nous appartient à nous deux. Donc cet ensemble de bêtes nous appartient à nous deux. Sans dire ce mouton, il est à moi, et cet autre mouton, il est à moi. Donc dans ces deux cas, la zakat des deux biens devient la zakat d'une seule personne. On compte les biens comme si c'était les biens d'une seule personne. Pour ça qu'il dit « فَحُكْمُ زَكَاتِهِمْ حُكْمُ زَكَاتِ الْوَاحِدِ » Donc le statut de leur zakat, c'est la zakat d'une seule personne. Et il dit ensuite « وَإِذَا أَخْرَجَ الْفَرْضُ مِنْ مَالِ أَحَدِهِمْ رَجَعَ عَلَى خُلَطَائِهِ بِحِصَصِهِمْ وَلَا تُؤَثِرُ الْخُلْطَةُ فِي غَيْرِ السَّائِمِ » Donc il dit, et si jamais donc l'obligation qui doit être sortie de ce troupeau-là, que ce soit des ovins, caprins ou autres, ce qui doit être sorti, lorsqu'il est sorti par un des associés, alors le reste des associés doivent lui rembourser la proportion à laquelle ils étaient associés dans cette obligation-là. Donc, deux personnes qui ont 20 moutons. Une personne a 20 moutons, une autre a 20 moutons. Et ils sont dans ce qu'on appelle Khotatul Awsaf. Ils sont dans un mélange des caractéristiques. Ils boivent ensemble, ils dorment ensemble, etc. Dans la coutume, la tradition des éleveurs, on dit ces deux, ils sont associés. On sait qu'ils ont chacun leurs moutons, mais ces deux gens, ils sont associés dans l'élevage. Lorsque la zakat donc, va être obligatoire un an après qu'ils aient atteint ce nombre de 40, ils doivent sortir quoi ? Une brebis. Et ils sont deux, comment est-ce qu'ils font ? Il y en a un qui sort une brebis, et l'autre lui donne le prix d'une demi-brebis. C'est pour ça qu'il a dit « وَإِذَا أَخْرَجَ الْفَرْضُ مِنْ مَالِ أَحَدِهِمْ » Et si jamais donc l'obligation est sortie des biens de l'un d'entre eux, رَجَعَ إِلَى خُلَطَائِهِ Donc ceci revient à ses associés, بِحِسَسِهِمْ De manière proportionnelle, en part égale. Mais si jamais ils ont 120 moutons, on avait dit, il y a toujours aussi une brebis à sortir. Il y en a un qui a 80 et l'autre qui en a 40. L'autre qui a 80 moutons, il a sorti une brebis. L'autre, il n'en a que 40, il lui donne une demi-brebis ? Non, il lui donne un tiers de brebis. Parce qu'il a un tiers du troupeau. D'accord ? Lui, il en a 40, l'autre, il en a 80. Il va donner un tiers du prix d'une brebis. Il ne va pas lui donner une demi-brebis. C'est compris, ça ? Bon, de même pour les chameaux, et de même pour tout le reste qu'on a vu auparavant. Na'am. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit « وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ » Et on ne peut pas donc réunir des gens qui sont séparés ou bien séparer des gens qui sont réunis par peur de la zakat. Donc deux personnes qui sont associées donc dans des moutons, ils en ont 20 chacun. Ils savent que maintenant l'État va venir chercher les zakat et ils se séparent tous les deux. Hein, ils se mettent 20-20. Parce que à 40 moutons, ils doivent sortir une brebis. Mais à 20 chacun, chacun dans son coin maintenant. Moi, je repars dans mon champ, ils arrivent. Hein, ils sortent rien. D'accord ? Donc il dit, Là, on a donné l'exemple du deuxième. Donc deux personnes qui sont réunies, on ne peut pas les diviser. Ouais, on ne peut pas les séparer. Quand on dit on ne peut pas les séparer, c'est eux. C'est eux, ils ne peuvent pas tricher. Tu traites avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Lui, il sait est-ce que tu es associé ou tu n'es pas associé. Donc, on se sépare pour ne pas sortir la zakat. Chacun prend ses vins de son côté et comme ça, on ne sort pas donc de brebis. S'ils le font réellement, ils sont séparés pour toujours, oui. Mais si c'est quand le moment de la zakat arrive, ils font cela, ça s'interdit. وَلَا يُجْمَعُوا بَيْنَ مُتَفَرِّقِينَ. Et aussi, les personnes ne doivent pas se réunir pour aussi éviter la zakat. Trois personnes qui ont 40 moutons chacun. Trois personnes qui ont 40 moutons chacun. Chacun doit sortir une brebis. S'ils se réunissent, disons on est associé sur 120 moutons. Ils doivent sortir une brebis. Donc ni on sépare pour éviter sortir moins, et ni on se réunit pour sortir moins. Il dit ensuite wala tu'athiru al-khultah fi ghayri as-sa'imah. Et le mélange, il n'a pas d'impact si ce n'est dans, donc le mélange des caractéristiques. Il n'a pas d'impact si ce n'est dans As-Sa'imah, dans les bêtes de pâturage. Mais dans le reste, dans la marchandise, dans ce qui sort de la terre, ou dans l'argent, ça n'a pas d'impact. D'accord? Tu as 1000 euros et j'ai 1000 euros, on les met dans le même coffre. Non, ou par exemple, on a moins que le Nissab. Le Nissab, on va dire, il a 400 euros. Moi, j'ai 200 euros et toi, tu as 200 euros. On les met dans le même coffre ou dans le même compte en banque. Est-ce qu'on dit que maintenant, il y a Nissab, donc on doit décompter un an pour sortir la zakat d'un an? Ou non? Non. Même si c'est le même compte en banque, d'accord? La même carte de retrait, tout ça. Mais ça, c'est mon argent à moi. Donc, le fait de le gérer dans un même endroit, d'une même manière, ça n'a pas d'impact dans l'école Hanbalite, parce que le hadith, il cite donc As-Sa'imah, les bêtes de pâturage et pas autre chose. De même pour les marchandises. Je vends par exemple des marchandises et toi aussi, on a le même entrepôt. On utilise le même chariot élevateur, etc. Toutes ces choses-là, on les utilise ensemble. Le même camion pour aller au marché. Est-ce que ça a un impact sur la marchandise? Si ces deux marchandises qui sont en deçà du seuil et que réunies, elles dépassent le seuil, ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'impact. Et de même pour les autres types de zakat. Wallah a'lam. Donc on a terminé là. Zakat al-Sa'ima. Et la semaine prochaine, bi'idhnillah, c'est Babu Zakat il-Khariji min al-Ard. Ce qui sort de la terre, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.